الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم. اما بعد، donc à compter de ce cours, cela va être l'explication des hadiths qui sont ceux qui ont été rajoutés par l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, pour compléter les 42 hadiths rapportés par l'imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi. Tamam. Un point qui est que le hadith, le 43e hadith, qui se rapporte au partage dans l'héritage, il s'agit là d'une matière dans la science que je n'ai pas encore étudié. Même pas les débuts, rien du tout. Donc je ne peux me permettre de vous faire l'explication de ce hadith, même en lisant ce qu'a évoqué notre cheikh, du fait qu'il y a des istilahat que je ne connais pas, des termes que je ne connais pas, et que le simple fait de traduire ne serait pas suffisant pour bien clarifier l'objectif et le sens à tirer du hadith, qui est basé, comme je vous l'ai dit, sur l'héritage, le partage de l'héritage. Donc ce hadith-là, on ne va pas le citer du fait que, comme je vous l'ai dit, c'est une chose que je n'ai pas encore étudiée. Non. Donc il ne me sera pas permis de rentrer dans une chose que je ne connais pas. Donc de là, on va directement passer au 43e hadith. يعني اليوم سنأخذ الرابع واربعين وخميس واربعين. نعم. désolé, j'ai toujours mon rhume. فكما قلنا الآن سيكون الحديث الرابع واربعون. Le 44e hadith. En sautant le 43e. Qui se rapporte au maharim, à ce que l'allaitement rend interdit, ce qui rend interdit la descendance, ou les liens de mariage, les liens de parenté. Naam. Faqal al-imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malikun an Abdullah ibn Abi Bakr, an Amra, بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها فقال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه. Donc selon عائشة que le prophète محمد صلى الله عليه وسلم a dit que l'allaitement rend interdit ce que rend interdit, on va dire, l'enfantement ou la descendance, les liens de parenté. Naam. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari seulement. Que là, les liens de celui qui aura été allaité, l'enfant seul, et non pas tout le monde dans sa famille, sera compris comme un membre à part entière de la famille de la femme qui l'aura allaité. Comme cela va suivre. Tayyib. Qala al-Shir, hafizallahu ta'ala. Yashtarit fi rida khams rada'at. Les hadiths Aïcha, كانت 10 رضاعات يحرمنا فنسخنا بخمس رضاعات يحرمنا وهذا والثواب فتصير أمه من الرضاعة لتلك المرأة التي رضع منها وليبيه وأخيه الشقيق أن يتزوج بأمه التي أرضعته. Donc nous disions que ce qui rend le hadith s'applique sur une personne qui aurait été allaitée 5 fois. Attendez, 5 fois. Et les conditions vont suivre. Comment doivent être ces 5 fois? Non. Qu'avant c'était 10, 10 allaitements. Que cela a été abrogé par 5. Comme cela a été rapporté dans un hadith de Aïcha. Donc il dit quoi? Il dit que celui qui a allaité d'une femme, un enfant par exemple, a été allaité d'une femme, cette femme devient sa mère de lait. Comme cela est connu, cette femme devient sa mère de lait, donc il lui interdit de se marier avec elle. Il devient mahram pour elle. Par contre, son père, c'est-à-dire de l'enfant allaité, ou son frère de sang, eux ont le droit de se marier avec cette femme. C'est-à-dire que là, les liens de sang par rapport à l'allaitement ne s'appliquent que sur l'enfant qui était allaité, et pas sur ses frères et sœurs et les autres membres de sa famille. Juste pour lui. D'accord? Non. ثم قال أما بالنسبة للمرأة التي أرضعت ذلك الصبي فإن أباها جده وأخاها خاله وزوجها الذي رضع من بنيه أبوه من الرضاعة وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب. Donc il dit donc cette femme là qui a allaité cet enfant, hein, le père de cette femme sera un grand-père pour cet enfant. Le frère de cette femme sera un oncle maternel pour cet enfant. Et le mari de cette femme, dont le lait par lequel l'enfant a été allaité provient de ce père de cet homme, c'est-à-dire que le mari de cette femme, d'accord, c'est le lait et le fruit de son accouplement avec cette femme, ce père-là, cet homme-là, sera un père de lait pour l'enfant. Comment comprendre cela? Il se peut qu'une femme, par exemple, ait été mariée avec un homme. D'accord? Elle a été mariée avec un homme. Et par la suite, il y a eu séparation. Ou peut-être cet homme est mort. De là, elle se remarie avec un autre homme. Et de cet homme, elle s'accouple. Et là, vient cet enfant de l'extérieur qui vient pour être allaité. Car le lait maternel est souvent le fruit de l'accouplement entre un homme et une femme. Donc l'enfant là qui va allaiter, son père de lait sera... le mari actuel, celui avec lequel cette femme s'est accouplée, d'où le fruit de ce lait. D'accord? Pas le premier. Disons que le premier, enfin, je reviens, c'est pas qu'il est mort, ça c'est pas possible. Genre par exemple qu'il a divorcé. Donc le premier mari là, lui, il n'y a aucun lien entre cet enfant et ce mari, et cet homme plutôt. Les liens de parenté s'appliquent avec l'homme, hein, duquel cette femme a eu son lait. Ou quand bien même cet homme, par exemple, elle s'est mariée avec cet homme et il l'a divorcé et que quelques jours après, elle a toujours du lait et que l'enfant est allaité de ce lait, et bien cet homme, bien qu'il ait divorcé cette femme, sera son père de lait. Car le lait provient de l'accouplement entre elle et lui. Donc le père de lait, c'est celui dont le lait provient de son accouplement avec cette femme et pas d'un autre, qu'il soit divorcé ou pas. Non. Donc nous disions que tous les membres de la famille de cette femme, qui sont autour d'elle, deviennent également, prennent le même statut pour cet enfant allaité. Puis il dit, « Wa min adil masalati zawjat libni rada'i as-sahih anna muharrama fa mathalan sabi rada'a min imra'atik kulna sabi lina rada'a من المجاعة لابد أن تكون دون الحولين لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما رضاعة من المجاعة وما فوق الحولين ما تحرم وحديث أرضعه يا سهلة تحرمي عليه في قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه القصة حادثة عين في من كان هذا حاله وقيل إنما هي خصيصة ولكن الذي يظهر أنها في من كان هذا حاله في الاضطرار كما تراه في نيل الأوتار للشوكاني رحمه الله تعالى نحو ذلك. إذا زوجتك أرضعت صبيا ثم إن هذا الصبي كبر وتزوج هو ولدك من الرضاعة من لبنك، فعلى هذا زوجة الولد هذا من الرضاعة تحرم كما تحرم زوجة ولدك من صلبك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب. تمام. Donc écoutez là, il dit quoi? Que, par exemple, cet enfant qui a été allaité par une femme, le mari de cette femme, dont le lait provient de son accouplement avec elle, comme nous l'avons dit, si cet enfant grandit par la suite et se marie avec une autre femme, cette femme-là, de cet enfant allaité, sera interdite pour son père de lait également, comme s'il était son fils. Car demain, un homme, si son fils se marie avec une femme, cette fille lui sera interdite par la suite. Et bien, pareillement, si c'est un enfant allaité, la femme de cet enfant allaité, après qu'il ait grandi, sera interdite à son père de lait. C'est le même jugement. D'accord ? C'est le même jugement. Ensuite, le shir, il a évoqué quoi ? Le sujet du fait d'allaiter le grand, celui qui est grand. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par Sahal ibn Suhayl, qui était la femme de Abu Huzaifa, qu'ils avaient, je sais pas si on pourrait dire un maulet, ce serait plutôt un fils adoptif, je pense, qui avait grandi et qui était en besoin de rentrer dans leur maison. Donc là, cet enfant a grandi. Il a grandi avec eux, apparemment. Il a même fait la bataille de Badr. Il arrive au stade où il est devenu barbu, c'est-à-dire qu'il était grand. Donc là, Abu Hudayfa ressentait en lui quant au fait que cet enfant, ou plutôt cet homme maintenant, Salim, rentre chez eux et voit sa femme. Donc sa femme, qui est Sahla, se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se dire que Abu Hudayfa, yani, ressent quelque chose en lui du fait que Salim rentre chez nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, arrête-le. Comme ça, Abu Hudayfa ne ressentira plus rien par rapport à ça. Donc, elle a allaité. Et de là, il est devenu son fils de lait. Donc, il était permis de rentrer chez eux et de voir cette femme. De voir celle-là, qui elle-même est devenue sa fille de lait. Sa mère de lait, Afouane. Donc là, il y a eu un khilaf sur cette mas'ala quant au fait d'allaiter le grand. Car Aïcha, radiallahu anha, a émis justement une fatwa similaire pour quelqu'un, et de là les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont toutes blâmé pour cela. Elles n'ont pas été d'accord avec elle qu'un homme rentre et les voit du fait qu'il était allaité alors qu'il était grand. Aïcha, elle se basait sur ce hadith, cette histoire avec Sahla, mais les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Salama, elles lui ont dit que cette histoire, le cas de Salim, est khos pour lui, c'est juste pour lui, ce n'est pas une situation qui est générale, qui s'applique pour tout le monde. C'était juste pour lui, car lui était dans le besoin de rentrer chez eux, car il n'avait personne pour s'occuper de lui, à part eux. Donc elles lui ont dit, nous, on n'est pas d'accord du fait qu'un grand qui était allaité rentre et nous voit. Donc cet avis est l'avis de Aïcha. Donc de là, le shir, lui, cite que... C'est un peu l'avis de Shane Mokbil. Que cette situation du fait d'allaiter le grand, la divergence est que certains voient que cette situation était propre à Salim seulement, que pour lui, et d'autres voient non, que cette situation est pour des gens dans le besoin comme Salim. Des gens qui n'ont personne avec eux, qui doivent rentrer chez quelqu'un. Et c'est un peu compliqué à expliquer, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Toujours est-il pour dire que le fait d'être un grand, à la base, cela n'est pas permis, sauf dans des conditions spécifiques, comme cela est arrivé avec Salim et Sahla ibn Suhayl. C'est tout. Un de plus. Quant à ce que des gens vont faire aujourd'hui, comme on l'a entendu de certains, qui vont prendre une femme qui est déjà grande et la faire allaiter par leur femme, par exemple un homme, il est marié. D'accord, il est marié. Et il rencontre une jeune femme. Ça, on l'a entendu de qui ? De Hatim. Hatim, là, le Maliki, là, le Maghribi. Qu'est-ce qu'il a fallu quand il est venu à des Medj ? Il est venu, nous a dit qu'il avait deux femmes. J'ai deux femmes, disait. Il n'a pas dit j'ai une fille de lait, il a dit j'ai deux femmes. Donc pour nous, il est polygame, il a deux femmes. Alhamdoulilah, tout va bien jusque-là. Et après, en sortant, On apprend en fait de quoi? Des infos nouvelles qu'en fait cette deuxième femme n'était pas sa femme, mais plutôt sa pseudo soi-disant fille de lait. Qu'il aurait dit à des gens qu'en fait il l'aurait fait allaiter à sa femme. Pourquoi? En vue de pouvoir être un père de lait pour elle, voire se retrouver seul en tête à tête avec elle. Donc lui là, dans ce qui nous est parvenu comme information, son cas là n'a rien à voir avec le cas de Salim. Pourquoi? Car cette femme était grande et pouvait se marier. D'ailleurs, quand il est venu à Dimej, il ne la proposa à personne pour se marier, étant donné qu'il nous faisait croire qu'il avait deux femmes. Elle aurait été sa fille de lait, il aurait voulu du bien pour elle, il l'aurait mariée avec un des frères étudiants qui étaient là-bas. Donc lui, il a fait quoi? Il a mis à part, il ne nous a jamais rien dit. Il a fait comme s'il avait deux femmes. D'ailleurs, un frère qui était ici, qui s'appelle un frère algérien, j'ai oublié son nom, nous dit quoi? Que même une fois, ils plaisantaient ensemble, il lui a dit, si tu veux, en plaisantant, il disait bien sûr, il n'était pas sérieux, on fait comme les Ansar, je te donne une de mes femmes. En plaisantant. C'est-à-dire que là, il faisait bien croire qu'il avait deux femmes, mariées. Et en sortant, en fait, on apprend que la deuxième était sa soi-disant fille de lait. Pour qu'il puisse voyager avec elle, qu'elle fasse la hijra avec lui, ainsi de suite, car c'est une convertie, il n'avait personne avec elle. Donc cette femme-là, lui, ce qu'il a fait, là, ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça s'appelle Tala'oub. J'en avais parlé à Cheikh Mohamed Ibn Hizam, Hafizahoullah Ta'ala. Je lui expliquais un petit peu, en mesure des infos qu'on avait. Il a dit, quoi, ça, c'est du jeu, c'est de la comédie, ça. Il a même souri quand je lui expliquais la situation, il a souri. Il a dit, c'est quoi, ça? Ça, c'est jouer avec la religion. Pour les khilaf dans le fait d'allaiter un grand ou un petit, pour pouvoir ensuite faire ce que tu veux. Et ensuite, il est reparti en France. Pensez-vous qu'il va laisser cette femme ici après qu'elle ait fait la hijra pour se marier avec un frère? Non, il l'a ramenée avec lui. Donc ça, c'est, on appelle ça, ça s'appelle jouer avec la religion. Ça s'appelle jouer avec la religion. Après, on vient, on sort un plein de khilaf chez l'imam Malik, chez l'imam Foulen, une mas'ala ilmiya, alors que l'origine de la mas'ala, elle n'est pas ilmiya. Elle est tala'ub, c'est du jeu. C'est du jeu. Car le cas de Salim, c'est un cas particulier, et Salim était doté d'une grande taqwa, d'une grande piété. D'accord? Une grande piété et d'une grande confiance qui était placée en lui. Ce qui n'a rien à voir avec ce que ce frère Hatim Hadaullah a fait. Donc c'est un tanbih que je voulais faire par rapport à des informations qu'on avait reçues. Et qu'apparemment, des gens aussi chez les takfiriyin, autres, s'amusent à faire cela, à faire allaiter des femmes. Leurs femmes, ils font allaiter d'autres personnes, d'autres femmes, pour se retrouver avec elles en tête à tête. Donc attention de ne pas jouer en religion. Ne pas jouer en religion avec ce genre de choses. Donc l'avis des savants aujourd'hui, eux, ils voient que quoi, à la base, comme Shamoukbil l'a dit, que ça c'est un cas, juste dans des cas vraiment de contraintes extrêmes, et que la personne soit dotée d'une grande taqwa. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et quand bien même tu voudrais le faire, alors demande à un savant de confiance, sois sincère dans la question que tu lui poses, et comment tu lui décris la situation, telle qu'elle est, réellement. Ah, mais le fait de jouer là comme ça, après sortir des avis de différents mazahib et sortir des khilafs pour embrouiller les gens, faire croire que c'est un sujet à divergence et que kaza, ça c'est complètement complètement dérisoire. Non. Donc toujours pour revenir à ce sujet de d'allaitement, nous disions que l'enfant allaité, lorsqu'il aura grandi, se mariera. La fille, du moins la femme de cet enfant allaité, deviendra également interdite au père de lait. D'accord? Interdite au père de lait. Puis il dit, Wal maharim ya usul al shakhs wa in alaoum. Wa furu'uhu wa in nazalna. Wa hawashi. Wa usuluhu minka al jaddat wa al jaddat jaddat. Wa jaddat jaddat al jaddat. Ila akhirihi. Wa furu'uhu banatuhu. وبنات بناته وبنات بنات بناته وإن نزلنا وحواشيه أخواته وكذا بنات أخواته وبنات بنات أخواته وكذا. Donc il dit que à la base, les gens interdits pour la personne, on va dire un homme, les femmes qui lui sont interdites, ce sont ces de trois directions. Les usul, hein, c'est-à-dire tout ce qui est parent. Au-dessus de lui. Les usul, ce serait par exemple sa mère, bien entendu, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Tant qu'elles sont vivantes. Elles sont toutes interdites pour lui. Ça, c'est les usul. Et pareil pour la femme. C'est usul, c'est son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Les furu', c'est ce qui vient en dessous de lui, d'après lui, sa descendance, comme sa fille et ses petites filles, et ainsi de suite. Et les hawashi, c'est les, on dirait, les à côté. Tout ce qui est les sœurs et les enfants de ses sœurs. Ses nièces, par exemple. D'accord ? Donc c'est au-dessus, on va dire, les usul, c'est sur quoi se base la personne, de là où il vient. Les furu', ce qui vient de lui par la suite. Et les hawashi, ce qui est à côté de lui. De là, toutes ces femmes-là autour de lui sont interdites. D'accord ? Elles sont toutes interdites pour lui. Ensuite, le shir dit وَقَدْ نُكِلَ أَعْدَمِ الْخِلَافِ فِي أَنَّ بَنَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ مُحَرَّمَاتِ إِلَى خَمْسِ. Donc il dit qu'il y a eu une absence de divergence, c'est-à-dire qu'il y a unanimité, sur le fait que les filles, d'accord, les filles des femmes interdites sont toutes interdites. Sauf cinq catégories. Les filles des personnes, des femmes qui te sont interdites, leurs filles te sont interdites également, sauf dans cinq cas. Le premier, les filles des femmes de ton père. Si ton père se marie avec une femme, à la base, cette femme t'est interdite. Cette femme a déjà des filles. D'accord ? Cette femme a déjà des filles. Hein ? Eh bien, les filles de cette femme te seront permises. Donc ça, c'est un. Deux, pour le père, les filles de sa femme. Par exemple, moi j'ai un fils, il s'est marié avec une femme. Et bien les filles de cette femme me seront permises à moi. D'accord ? En fait, c'est la fille de la femme. Par exemple, tu t'es marié avec une femme, elle avait des filles. Elles ne sont pas de toi. Tu as des filles, elles ne sont pas de toi. Donc là, le père a le droit de se marier avec ses filles. Donc je reprends l'exemple. Moi, par exemple, je me marie avec une femme. Ou plutôt mon fils se marie avec une femme. Cette femme a déjà des filles. D'accord ? Cette femme a déjà des filles. Donc mon fils se marie avec elle. Et bien moi, en tant que père de cet enfant, de mon fils, j'ai le droit de me marier avec les filles de cette femme. Car elles ne sont pas mes petites filles. C'est compris là ? Que le père peut se marier avec les filles de la femme de son fils qui ne sont pas ses petites filles. C'est-à-dire les filles d'un autre mariage. C'est un peu confus, hein, mais bon, excusez-moi. Normalement, souvent, ces cours-là se font avec un tableau. Avec un tableau. C'est un peu comme l'héritage aussi, c'est assez confus. Avec un tableau, c'est plus facile à assimiler, mais bon, alhamdoulilah, on fait comme on peut. Donc, ensuite, également, parmi les filles des muharramat qui sont permises, les filles des oncles, tantes maternelles et paternelles. Par exemple, moi, d'accord ? Mes tantes maternelles me sont interdites. Et mes tantes maternelles me sont interdites. Mais leurs filles me sont permises. Donc ça, c'est les cinq catégories des femmes, des filles des femmes interdites qui sont permises. On reprend le récapitulatif. En premier, le fils peut se marier avec la fille de la femme de son père. C'est-à-dire la fille qui est d'un autre mariage, bien entendu. Hein, c'est pas sa sœur. Un homme, par exemple, on reprend, exemple, moi, mon père, s'il était musulman, il ne l'est pas dans un salon yahdien, se met avec une femme qui a déjà une fille. Eh bien, moi, il m'est permis de me marier avec cette fille. D'accord ? Ensuite, toujours moi, j'ai un fils qui se marie avec une femme qui elle-même a des filles. Eh bien moi, cette fille à moi, sa femme à lui m'est interdite, mais ses filles me sont permises. Donc là, ça fait deux. Ensuite, il y a les filles des tantes, maternelles et paternelles. Elles sont permises, d'accord ? Et ensuite, il reste une catégorie, c'est Benet, Ummahat et Zawjat. C'est-à-dire, les sœurs, que toi, tu ne peux te marier que deux sœurs ensemble. Mais si une, par exemple, tu te maries avec une, ensuite tu la divorces ou elle décède, tu peux te marier avec l'autre. Et en dehors de ces cinq catégories-là, toutes les filles des femmes interdites sont interdites, à part ces cinq-là. Toutes les filles des femmes interdites sont interdites, à part ces cinq-là. D'accord ? À part ces... Ensuite, il dit également, « Nukila aydan adam al-khilaf, annahu yuharram ammat al-ammat, وخلات إلى خلات. Donc également qu'il n'y a pas de divergence quant au fait que les tantes de tes tantes, maternelles et paternelles, sont interdites également. Par exemple, moi j'ai une tante maternelle, ses tantes à elle me sont interdites. On dirait que j'ai des tantes paternelles, et bien leurs tantes à ces tantes-là me sont interdites également. Hein? Elles sont également interdites. فهذه من المسائل التي يدل عليها هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم donc la part d'Allah que vos mères et vos filles vous sont interdites يدل على تحريم الأصول والفروع comme nous l'avons dit. On passe ce passage-là car en fait c'est la même chose que je viens de dire. Juste qu'il cite, il refait un khurasa. Et comme on a déjà perdu du temps avec la coupure au début, on va, Inch'Allah, on passe le passage. Là, c'est juste qu'il répète ce que je viens de vous dire par rapport à, aux grands-mères, aux petites filles et aux tantes, et ainsi de suite. C'est-à-dire les usul, les furu et les hawashi. Puis il dit tamam. Donc les cinq allaitements. Il est conditionné qu'elles aient rassasié l'enfant. Ce n'est pas il a allaité une fois, et ensuite, on va dire un peu de temps, et après, par exemple, on lui a enlevé la tétée. Il est en train d'être allaité, on lui enlève. Par exemple, la femme, elle est occupée, elle a tout qu'à faire, elle lui enlève le sein de la bouche, alors qu'il n'a pas fini. Ça, ça ne compte pas. Ce qui est pris en compte, c'est qu'ils soient allaités cinq fois, hein, et qu'ils soient rassasiés. D'accord ? Qu'ils soient rassasiés. C'est-à-dire qu'il allaite et qu'il lâche le sein de lui-même. L'enfant allaite et c'est lui-même qui lâche le sein. Une fois qu'il a fini, il lâche. Ah, mais qu'on lui enlève de la bouche alors qu'il n'a pas fini, là, il n'a pas été rassasié. Ensuite, il dit « Wa ummahatu nisaikum » dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « et les mères de vos femmes qui vous sont interdites. » Les mères des femmes, c'est-à-dire les belles-mères, nous sont interdites. Du simple fait que la personne ait fait un contrat de mariage avec une femme, sa mère, la mère de cette femme, lui devient interdite automatiquement. Même qu'il ne l'a pas touchée, il n'a rien fait, à partir du moment où le contrat de mariage a été établi et appliqué, sa belle-mère lui est devenue interdite. Hein? Et également les grands-mères, les usul, c'est-à-dire la mère de sa belle-mère. Toutes, même si elles montent à je ne sais combien de générations, elles sont toutes interdites. Par contre, comme il dit, les filles, par exemple, tu t'es marié avec une femme, elle a des filles. Tu t'es marié avec une femme, elle a des filles. Yaqul, min nisaikum allati dakhaltum bihinna. C'est-à-dire les filles de vos femmes, celles avec qui il y a eu un rapport. Donc là, c'est autre chose. Attention, là, ce n'est pas juste le contrat de mariage. Demain, tu t'es marié avec une femme. Et cette femme, elle a des filles. Si jamais tu as fait le contrat de mariage et que tu te sépares de cette femme-là, alors tu peux te marier avec ses filles. Par contre, si avec cette femme-là, tu as eu des rapports avec elle, ses filles te deviennent interdites, hein, ainsi que ses petites filles, ainsi de suite. Toutes interdites. Donc c'est ça la différence. La belle-mère, le simple contrat de mariage, la rend interdite. Alors que les filles de ta femme, c'est-à-dire les filles de notre mariage, de ta femme, ne te deviennent interdites qu'à partir du moment où tu as consommé le mariage avec la femme. Si tu n'as pas consommé le mariage, par exemple, tu as eu un contrat de mariage, et après il y a eu un imprévu s'est produit et que tu t'es séparé d'elle, ou peut-être même qu'elle est décédée ou tu l'as divorcée, et bien ces filles te sont permises, si tu n'as pas eu de rapport avec elle. Naam. Attendez, ensuite. Waqouluhu ta'ala, là il part du fait de lier entre deux sœurs. Quelles que soient les sœurs, il n'est pas permis de lier entre des sœurs. Kama qala ta'ala, wa antajma'u bayna ukhtayn, et que vous assemblez entre deux sœurs. D'accord ? Qu'il s'agisse de sœurs qui aient le même père et la même mère, ou qui aient seulement le même père avec des mères différentes, ou la même mère de pères différents. Cela est la même chose. À partir du moment où elles sont des sœurs sanguines, il est interdit de pouvoir lier les deux ensemble. Vous voyez ? Si tu en maries une, et par la suite, tu n'es plus avec elle, alors tu peux prendre l'autre. Une fois que la ridda est terminée. Et dans sa parole, il l'aima qu'au salaf, hormis ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire dans la jahiliya, avant l'islam. D'accord? Avant l'islam. Que cela t'est pardonné, mais à partir du moment où tu entres en islam, par exemple, tu étais avant l'islam, ici en France, ça n'existe pas parce que la polygamie est interdite. Mais avant l'islam, un homme avait deux sœurs. Par exemple, il avait deux sœurs. Il s'est marié avec deux sœurs. À partir du moment où il s'est converti, alors là, il doit choisir l'une des deux et se séparer de la deuxième. Et ce qu'il a fait auparavant, lui est pardonné. À ma compte, à ce qui est arrivé à Moussa alayhi salam, qu'il a eu deux sœurs, ça c'était une autre chalia. Ce n'était pas la nôtre, ce n'était pas celle de Mohammed sallallahu alayhi salam. Cela, apparemment, lui était permis. Mais nous, en islam, l'islam avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi salam, cela n'est pas permis de se marier avec deux sœurs en même temps. Ensuite, il dit, après avoir cité le verset de Sourate An-Nisa, qui cite toutes les femmes qui sont interdites, il dit qu'elles sont elles sont 14. D'accord? 14 femmes qui deviennent interdites. Et parmi elles, certains est une interdiction temporaire. Et d'autres, une interdiction continue. Par exemple, le fait de lier entre deux sœurs, la sœur de ta femme, t'est interdite temporairement. Tant que tu es marié avec sa sœur. Mais le jour où tu n'es plus avec sa sœur, elle te devient permise. Par exemple, il faut attendre que sa iddah soit terminée. Tu es marié avec une sœur, tu la divorces, par exemple. Eh bien, elle a une iddah à faire de 3 mois. Ou de 3 menstrues. Tu ne peux te marier avec sa sœur tant qu'elle n'a pas fini sa iddah. Donc la femme, d'accord, la sœur, elle a une iddah. Tant que sa iddah n'est pas finie, tu ne peux te marier avec sa sœur. Et quand la iddah est terminée et que tu ne la reprends pas, sa sœur te devient permise. Naam. Et également parmi les femmes interdites, celles qui sont déjà mariées. Les femmes étrangères déjà mariées te sont interdites temporairement. Mais si demain il venait à ce qu'elles soient divorcées ou qu'elles deviennent des veuves, alors là, elles deviendraient permises. D'accord? On parle des femmes étrangères qui n'ont pas de lien de parenté avec toi, ni de sang, ni de l'allaitement. Et d'autres, l'interdiction est continue, comme les mères, comme les sœurs, comme les nièces, et ainsi de suite. Elles, il n'y a pas de, ce n'est pas temporaire. Elles sont interdites jusqu'à la mort. Donc, le khurasa des shurut, des conditions pour l'allaitement, qui rendent interdit le mariage, comme les liens de sang, sont d'abord que cet allaitement ait lieu avant les 2 ans. D'accord? Avant les 2 ans. Que l'enfant est petit. Donc le sujet, quant au fait qu'on en a parlé d'allaiter le grand, cela était un cas spécial. Mais à la base, allaiter le grand ne rend pas les liens de sang interdits. Ensuite, qu'il y ait 5 allaitements. Ensuite, que l'allaitement, l'enfant en a été rassasié. D'accord? Que l'enfant en a été rassasié. Également, que l'allaitement a été fait d'une femme. Par exemple, demain, une femme, elle a une vache. Et toi, tu as été allaité pour le lait de cette vache. Cette femme n'était pas interdite. Hein? Il faut que l'allaitement soit de la femme en elle-même. À bien comprendre. Aussi. Non. Donc de là s'achève ce hadith qui est un peu plus technique que les autres, qui est ce que rend interdit l'allaitement. On va prendre également le 45e hadith, qui lui est assez court, qui lui concerne quoi? Lorsque Allah rend une chose interdite, alors il rend également son prix interdit. On va lire rapidement, inchallah, l'explication du hadith. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس فقال لا وحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه وهذا اللفظ البخاري donc le hadith selon Jabir ibn Abdullah al-Ansari que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit l'année du La conquête de Mecca, où il est dit que Allah et son messager ont interdit la vente de l'alcool et de la chair morte et du porc, ainsi que des idoles. Il lui fut dit, ô messager d'Allah, et qu'en est-il des graisses des animaux morts? Car on peut en enduire les coques des bateaux, ou également s'en servir de pour comment on dirait pour graisser la peau, comme de la crème qu'on met sur la peau, ou également s'en servir comme combustible pour faire des comme des bougies ou des lampes à pétrole, hein, pour s'éclairer avec, qu'on s'en sert comme combustible pour s'éclairer avec. Donc il a dit non, cela est haram. Ensuite il dit que Allah combatte les juifs, car Allah, lorsqu'il leur a interdit les graisses, ils ont embelli cela, en plus, puis l'ont vendu et ont consommé le prix. Vous voyez, pour consommer le prix. C'est-à-dire qu'ils ont complètement transgressé l'interdit. Et le hadith est rapporté par Muslim al-Bukhari. Là, c'est l'énoncé rapporté par le Bukhari. Donc, il dit « Wafi min ahkam al-buyu' aidatu manahi ». Donc, il dit là, il y a dans les règles de vente plusieurs interdictions. Al-nahi al-awwal, la première interdiction, c'est le fait de vendre de l'alcool. Que Allah, hein, avant, l'a maudit 10 personnes par rapport à l'alcool. Et parmi eux, il y a celui qui la vend et celui qui l'achète. Donc, le fait de vendre de l'alcool est interdit. Donc, cette vente-là devient elle-même nulle, tout comme son prix. D'accord ? Il y a une règle qui dit « Al-Nahi yaqtadi al-fasad ». C'est parmi les règles de fiqh qui dit que « Al-Nahi yaqtadi al-fasad ». Quand une chose est interdite, alors son action elle-même est rendue vaine. Quand tu fais une chose interdite, cette action n'est pas acceptée. Donc, si demain tu vends une chose interdite, cette vente sera nulle. D'accord ? Cette vente sera nulle. Donc, ça, c'est la première interdiction. La deuxième, le fait de vendre la chair morte. Hein, le fait de la vendre, la chair morte. Quant au fait de vendre sa peau à part, alors qu'après qu'elle était purifiée, cela est permis. D'accord ? La peau de la bête morte, si elle était retirée et purifiée, alors cela est permis. Quant au fait de vendre son lait, par exemple, après qu'elle ait été tuée, par exemple une brebis ou une vache, est morte, non égorgée, selon le rite islamique, et le lait est toujours en elle, vendre son lait, par la suite, est interdit. Ou sa viande, et ainsi de suite. Ou même sa peau, tant que sa peau est toujours sur elle. Tant que sa peau est sur elle, elle n'est pas permise. Non. Troisième interdiction, le fait de vendre du porc. Il est interdit d'en vendre, ni d'en acheter, ni même de l'élever. Tout ce qui provient du porc est interdit. On voit des produits aujourd'hui faits avec la chair de porc, de la peau de porc. Même cela n'est pas permis. Demain, je sais pas, tu aurais un vêtement fait avec du cuir tiré de la peau du porc. Il n'est pas permis de le porter. Car le porc est une najasse entièrement. D'accord ? De sa queue jusqu'à son groin, le porc est une impureté. Entièrement. Quatrième interdiction, le fait de vendre des idoles. Cela est interdit. Et dit pourtant aujourd'hui, on voit des gens qui en vendent en guise de, par exemple, vestiges pour les patrimoines comme des souvenirs. Hein, et cela n'est pas permis. Et qu'à la base, les idoles, il faut les casser. À la base, tout ce qui est idole, les figurines, statuettes, que ce soit en forme humaine ou autre, il faut les briser. Comme cela est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré à Mecca, dans le Beit, à la Kaaba, il y avait 360 idoles autour d'elle. Il les a toutes brisées, en disant, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit la vérité est venue, hein, et le faux est parti. Et le faux est amené à partir. Donc il les a toutes cassées. Donc celui qui est en mesure de casser une idole, qu'il le fasse. Hein, celui qui est en mesure de briser une idole, ça s'arrête quoi ? Dans Beb, in kala munkar bil yad. Comme le hadith on l'a appris, que celui qui voit un mal, qui peut le changer par sa main, alors qu'il le fasse. Donc celui demain qui a l'occasion de pouvoir casser une statuette représentant une idole, qu'il le fasse. Tant que cela n'amènera pas à un mal plus grand. Toyeb. Summa qal. وفي هذا الحديث سأله عن شحوم الميتة هل ينتفع بها من تلك الشحوم بشيء؟ إما الاستسباح بها من حيث أنها تكون زيتا فيجعلونها في الفوانيس ويستدئون بها لأن الشروح تسرج بالزيوت ومن حيث طل السفن بها وتلي السفن بها تتلى السفن بها ومن حيث دبع الجرود فيصير الجلد رطبا إذا دوهن بها أو من حيث اتخاذها لشيء آخر ينتفع بها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بها. Donc il dit maintenant, dans le hadith, ils lui ont interrogé quant au fait par rapport aux graisses animales, des animaux qui sont morts sans avoir été égorgés. Qu'en est-il? Peut-on s'en servir, hein, en tirer profit? Comme le fait par exemple d'en faire des combustibles pour des lampes, pour s'éclairer, ou pour en faire de la crème pour la peau, comme de la vaseline ou de la crème, ainsi de suite, ou également pour enduire les coques des bateaux. Ou même, taïeb. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit quoi? La wa haram. Donc là, attention, dans cette parole-là, il y a deux avis, par rapport aux savants. Certains disent que lorsqu'ils disent la wa haram, non, cela est interdit, non, cela est interdit. Il y en a, ils ont interprété cela que non, il est interdit de le vendre. D'accord? Cela est interdit de le vendre. Donc, de là, celui qui a cela, qui obtient cela, peut s'en servir tant qu'il ne le vend pas. Et d'autres ulama, dont Shir, voient qu'il est interdit dans l'absolu. Ni la vente, ni d'en tirer profit gratuitement. Tu ne t'en sers pas. Les graisses animales sont à délaisser. On va dire les graisses animales, des animaux qui n'ont pas été égorgés selon le rite islamique. Il dit que tu les délaisses dans leur totalité. Non. Puis il dit, par contre, ce qui est autre que ces animaux-là, par exemple un animal qui a été tué, qui a été égorgé de façon légiférée, lui on peut, il n'y a pas de problème pour ça. Là on parle de El Meita, la chair morte. Puis il dit, إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. Que si Allah interdit une chose, alors il en interdit le prix également. وَذَكُونُهُ يَكُونُ صَبُونًا يُؤَدِّي لِبِيعِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ إِذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثَمَنَهُ. Donc il dit par exemple, comme le fait d'en faire du savon, de ses graisses, en faire du savon. Eh bien ce savon-là, il sera interdit. Et son prix sera illicite. Car quand Allah interdit une chose, il interdit son prix également. Donc quoi qu'il en soit, il faut tout délaisser. Hein, il faut le délaisser dans la totalité. وفي هذا الحديث ذم لليهود أصحاب الحيل المحرم الحيل المحرم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع حيلهم حرم الله عليهم الشحوم فقال تعالى ومن البقرة والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمرت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بالعظم فحرم الله عليهم الشحوم إلى بعضا منها. Donc il dit là, cela montre également le blâme contre les juifs qui ont usé de combines interdites. Hein? Qui ont fait des détours interdits pour pouvoir détourner les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré justement qu'est-ce qu'ils ont fait. Que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit les ventes, leur a interdit les graisses animales, comme dans sa parole où il dit, hein, les graisses, dans sa parole dans le sens où il dit dans les graisses, par exemple de vaches, ou d'ovin, ou de bovin, hein, nous leur avons interdit leur graisse, sauf ce qui provient du dos, ou des entrailles, ou ce qui était mélangé avec des os. Donc eux, ils ont fait quoi? Ils ont pris ces graisses, et les ont revendues. Ils ne les ont pas consommées, mais les ont revendues. Donc ils ont triché avec les textes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit là par rapport au hadith, il dit haram Allah shay'an harama thamana, que si Allah est interdit une chose, alors son prix également est interdit. Ce que nous, ils ont interdit par exemple en religion de faire, son prix est rendu interdit. Ça, c'est une règle qui est très importante. Hein? Un exemple des choses qui sont interdites. Le fait de filmer. Ou le fait de prendre des photos. Cela est interdit. Et bien celui qui vend des photos est concerné par ce hadith. Car à la base, la photo est interdite. Hormis, comme on sait, les photos de cas spécifiques comme celle des papiers d'identité, et ainsi de suite. Donc attention, si une chose est interdite, ne va pas la vendre. Ne va pas la vendre. Puis par la suite, il cita que les juifs, justement, ont beaucoup de combines et de stratèges comme ça pour éviter les textes. Hein? Et pour pouvoir jouer avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Par exemple, le Shia lui cite qu'il a connu un frère qui était un juif auparavant et qui ensuite s'est converti à l'islam, alhamdoulilah, qui est devenu un salafi. Et qui lui a raconté que jusqu'à ce jour, les juifs continuent, eux, à jouer avec les textes, à faire du haïl, à faire des combines. Ils continuent à cette heure encore à agir de la sorte. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Il dit que le jour du sabbat, le sept, mais eux, comme ils disent sabbat, vous savez, ils n'ont droit de rien faire. Et de ne pas allumer la télévision. Donc qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils ont des employés qui travaillent pour eux. Donc ils leur font, eux, allumer la télévision pour eux. D'accord? Ils ont par exemple, le juif dans sa maison, il a un employé, un homme de ménage, ou ainsi de suite, et bien ils vont faire en sorte que ce soit lui qui allume la télévision, que ce soit lui qui allume la télévision. Donc ça, c'est joué également. Car à la base, ils n'ont pas le droit d'allumer la télévision. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire également? Ils vont l'allumer le soir pour que le lendemain soit, elle reste en fonction. Comme cela est arrivé avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur interdit, des filets du jour de Sept, qui leur interdit de pêcher le jour de Sept. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les filets le vendredi soir, pour les récupérer quand? Le dimanche. Et de là, ils ont été punis pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait deux des singes abjects, comme cela est dans Sirat al-A'raf. Donc là, c'est un relance également pour accélérer. J'ai pas... Ce que je viens de vous dire là, ce que le cheikh a dit, en résumé, pour ne pas avoir à relire et à retraduire, car ça aurait pris trop de temps, et que là, c'est le vol chez nous. À cause de la coupure, ça a pris du temps. Et que j'aimerais terminer ces hadiths d'ici 2 ou 3 jours. Naam. Donc voilà. Donc le khulasa de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit une chose, sa consommation et son utilisation, ben également son prix. On ne va pas le vendre. D'accord? On ne va pas le vendre. Et de là, on voit qu'il interdit de quoi? De vendre des idoles, interdit de vendre de la chair morte, et interdit de quoi? De vendre la chair de porc. Non. Et qui on a vu un khilef quant aux graisses animales, est-ce que l'interdiction est de les vendre ou de les utiliser dans l'absolu? Là-dessus, il y a une divergence par rapport au texte. Non. Fabien Delcode Naktafi, wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.